Né en 1912 à Rosa, résident Rosa, maçon, bûcheron, garde forestier, garde aux eaux et forêts. Ce témoignage a été recueilli en 1979 par messieurs De Chêne et Michiels. C'était Louis. Des brissous. Brissous. Pas une de l'ouïe, Mathieu, à Marseille. L'estimation alpire ou bien un brick? Là, c'est ce qui fait les bétons, ça va dire. Ah C'est ce qui faut agrandir les usines de l'ouïe. C'est ce qui peut vous aussi houillou. Donc, on travaille faire les bétons. Mais sûrement, à ce moment-là, il y en a vu qui est coinzon. Donc, il y a ce peu comme gamin pour faire le café et m'occuper des bricoles. Ah oui. À vous, on machineux des chemins de pierre, qu'est-ce que vous nous autres pour faire des manœuvres? Puis de là, il y a surtout pas une appelée Boron, entrepreneur de maçonnerie, Charles de Vieille. C'est ferme des murs racinés. Nul et moyen. Puis de là, le travail de maçon, il y a surtout après mes filles, à vous Boron, maçonnerie de pierre, les pétotes. Puis il y a surtout pas une appelée Pereille, d'ombré. Ouais. Qu'est-ce que c'est associé à vous une appelée Pirotte? Et c'est elle qui m'ont venu query, qui s'ouvrir. Et j'ai tout travaillé à un moment syndical roule à plaie à rue. Votre chômage est Mais j'ai trouvé mieux parce qu'ils ont pas travaillé pour bon. Mais. D'après, j'ai tout travaillé pour payer, pour ne chômer. Parce que, à ce temps-là, nous ne chômons jamais. Une fille qui est arrivée, elle est au sein, nous purons dans notre ferme, nous faisons notre soin, et nous allons travailler à ta lui. Et oui. Bien bousquillon, comme on dit. On a mené un chômeur qui a des pointés à ce temps-là. À ce moment-là, non. Non. De là, nous travaillons. Mais quoi, c'est qu'ils faisaient trop d'heures, non? On s'assoit les chômages. Mais il fallait pointer, dit Charles de Rosa, il nous fallait ombrer. À pis. Et à ce temps-là, nous avons des civières, c'est nanin comme aujourd'hui, hein? Oui. C'est plus rien du tout. Il pointait Charles, il dit, on s'arrête de pointer. Et nous autres, à ce moment-là, nous fallait y aller. Et on conduit pour les heures. C'était à quelle année, celui-là? Oh, ça se trouve les années 27-28. 27-28. Puis il a fait un petit soudeur en 32. Il a tout mobilisé 4 murs européens en 32. Puis, derrière nous, le mur de Il a tout travaillé en maçon pour Boron. Puis là, il a l'homme de venir trop vite. Il a abandonné. Il a tout pour le grand Charles de Tillange. Puis il a tout pour Perret. Puis il a tout pour mon cousin Delvaux. Puis il a tout pour le Rut. Il a tout d'airain, maître maçon qui a travaillé. Ah non, il a travaillé comme garde forestier à la commission, mais il a tout définitif pendant 5 ans pour la société Saint-Roubaix-Brissou. À commission, c'est-à-dire. Une commission, c'est faire le gars après journée, à Saint-Pierre-d'Oux. Quand j'ai fait la commission, j'ai suis pour une appelée pour lui, si elle dit du sol place verte. Marchons des stops. Donc il n'y avait pas de Pour faire non. Puis il y a surtout gare pour Saint-Roubaix, définitif, 6 ans. Puis il y a un stade de difficultés, on m'a replacé, et il y a surtout à Zoué et Forêt. Donc, travaille dans le bois. Pour nettoyer, planter, élaguer, toutes sortes d'affaires comme cela. Faire des fossés, toutes sortes d'affaires qu'on travaille chez nous. Pour planter quoi? Mais toutes sortes d'essences, pour ainsi dire. Des sapins, des chênes, des hesses, des frênes, toutes sortes d'espèces du bois. On coupe, des talus, et puis on replante où se doit couvrir le talus. Et même chef, garde, donc dit l'État, c'est ce qu'il y a de François. Dama, il se fait pour lui. Il fallait payer des espaces. Ah, vous plantez celui-là, on met 25. Des lignes, on met 25 et on met devant les lignes. On met les plantes l'une de l'autre et les lignes espacées, ils ont mis 25. Et les plus rues possibles, non? On avait des galons. C'est une tortille, alors. Ah, le sapin, il a 20 pour 20 cm, 20, 25 cm. Et tain, tain, on avait des cannes d'Amérique qui étaient un peu plus fortes, qui avaient 1 mètre. Mais c'est plus les plus gros qu'on a vu. Des tiennes d'Amérique. Des tiennes de pays, c'est plus des affaires de 60-70 cm. Les autres sapins, les mêlées, c'est toutes sortes de. Toutes sortes de plantes retirées. Puis il a fait une infractus. Non, ça se trouve. Mais tout travail. Et Astor, ben, il bricole, il recule pas tant sur elle. Il va faire des petites coussins pour me promener. Il rappelle ton pour des allons, des petites pièces qui sont en 5 avant. Il dit son frère camarade à l'hôtel forestier. Et il me dit on pourrait être ici, on pourrait être là. Et donc, propose que comme une petite pièce, quand il va aller aussi à nous. Dans notre nom, pour lui, c'est ce qui est tombé dans mes hommes. Dans l'heure postin et Roubaix, on ne m'a jamais obligé à aller dans l'autre. Hein. Si vous voulez libérer, si vous estimez un bon gars, il n'a le patron dans les médailles de vous exiger. Vous retraitez. Vous retraitez vous-même. Les patrons diraient moi. Mais si le patron vous le dit, ah non, eh bien, vous n'entraînez. Enfin, mais il y avait le caractère dans l'air. Parce qu'il dit amener pour m'oblige de faire. Pour courir, moi, pour aller courir, mais dans le nut, pour aller. Et puis pour aspirer ses copies, parce qu'il dit, pour qu'il y ait les choses des gars, eh bien, quoi qu'il veut, tout ce qui se passe, hein, monsieur. Eh bien, il y a Anastasie. Vous allez prendre un homme qui a mon lapin, eh bien, il est condamné. Et vous m'en avez dit qu'il vous êtes détournement, qu'il vous êtes défaillite, qu'il vous êtes pas, on est condamné. Et on pauvre malheureux qui va faire mon lapin pour lui mettre, on condamne. C'est malheureux, hein. On l'avait vu ou des bacs? Ah, il y en a vu. Il y a pris oncle et il n'a jamais pris que celui-là sur toutes mes carrières qu'il a fait. Il a fait le gars à la commission. Et fait le gars qu'il a fait au moins pendant coin là. Et il n'a jamais pris compte. Et il y a des six feuilles qui n'en lâchent plus, qui bougent ses bricoles et qui n'en lâchent plus. Allons. Il a continué, il a persisté à y aller. Il a fait un monsieur le comte, du rue qui est pour le Saint-Hubert Club, qui nous brûle par son rue, Joseph le comte. Et nous y avons tout, il y a ce truc postré les bricoles dans le comte, et puis nous y avons tout le démain dans le club. Affaire que les gars qui. Ça veut faire perdre vos affaires, parce qu'ils connaissent tout. Garde des caisses, soupe gamin, ben, mais c'est ce que les gros gibiers. Les petits gibiers, ça me mettait frais. Ah, mais le gros gibier, genre, il travaille pour les hommes. Hein. Parce qu'il y a toutes sortes de systèmes qui n'étaient sur une qui n'aurait rien et qui n'a bramé les gars qui n'aurait rien pour voir le gros gibier et vos bouilles. Et c'est tout simple. Il fallait les jaunes et tout les vies. Non. Il faut essayer de la boue de l'urine. Donc pour ça, qu'est-ce que tu as l'heure? Vous va le mélanger avec le maïs et vous allez taper un bois où ce qu'il est cinglé. Donc le maïs a une grosse urine, qu'est-ce que tu as l'heure? Et le maïs cinglé, du mur et bois. Mais si le mur et bois, les lait qui sont à vous, a du mourir. Mais si le maïs ne va, tout à fait ne va. Et c'est pour ça qu'il y a des filles qui ont ouvert devant les bois, qui ne faisaient que dépasser. Comprends-tu? Mais je sais tout. Et aussi que maintenant, ce système-là, ça c'est tout M. Preudhomme, qui est le directeur de la Banque nationale, Charles Dihu, à vous, une Allemande qui venait faire le caisse à vous. Un homme qui venait faire dans le rue. Donc, des gens qui n'auraient bien, c'est l'esprit des gros gibiers. Et c'est l'esprit d'elle qui m'avait amené tout là, ils m'ont amené sur cette là, ça c'est en train de quoi. Qui dit travailler pour vous. Ils m'avaient amené sur cette là pour voir les 5 livres. Et il m'y a fort bien trouvé, et il m'y a tout bien trouvé. Il y a quoi des autres trucs? Ah, des autres trucs pour le chevreu. Mais c'est mal à gaz à vous, c'est des briquettes de chocolat. Des chocolats d'œufs. On va y mettre des pires d'essais, mais sûrement le pire d'essais, ils y vont. Mais sûrement, ils s'y tenaient comme au chocolat. Chocolat, ils se battraient, ils se touraient même. Aussi ça fait. Et puis, devant toutes ces affaires-là, il y a ce tabou de Bracny, qui me naît, oui. Il me dit, hey, Robert, voilà, selfies à ombre d'Imen, nous vaut un vin, mon chevreux, pour chevreux, notre petit camarade. Nous allons mettre une bricole, mais sûrement, c'est certain, après, nous les bouillerons. Et, reste c'est ce que tu fais, non? Il met un le bricole, dans les veuilles, on me dit, oui, le bricole, mais après le fies, c'est ce que fini. Et ils m'ont baissé un peu dans les restes, non? Ah non, ils ne m'ont jamais emmerdé. Et il y en a vu deux, là. Ils ne m'ont jamais emmerdé. Qui a dit qu'ils vont vivre dans les restes? Ça, la question est là. Dans elle, comme dans la messe, hein? Qui a-t-il quoi comme congénier, cher? Deux avocats de cinglés et le chevreuil. Il y en a ce tableau de serre, mais sûrement comme les caisses sont divisées, qui sont plutôt petites caisses, donc les gros caisses, c'est le calvaire, dire. il voyage hein, et qu'on a les jambes le petit chèque, tout hein. Mais n'est-ce pas vous? Vous allez en être 35, 36. Donc, mais faisant de faisant, mais. Pasteur, ça tombe. C'est n'est plus ici qu'on fait, c'est braquenir, on tout le tour des scadaires. Oui, des scadaires. Il lui a le tien. Il lui a le tien, ça a pris de ça. Il faut qu'il récupère les shampoos, hein. Non. Il va lui payer un gars. Il va lui payer les assurances, les cartouches, les affaires. Hein? Pas qu'on tout, hein, pas. Faut récupérer un pot. Et on tout tôt. C'est sérieux de tout, ils sont les ils font pour. Quelque fermel, quelque gâté. Et nettoyer tous les brocards. Mais non! Tout ce qui passe, tout ce qui passe encore les victimes. C'est quoi la différence entre un brigadier et un garçon civil? Brigadier, les brigadiers, c'est le chef. Il est chef de district. Il y a la chose, en fait, dans section. Donc, il est brigadier, il a deux gars, ça c'est ça. Et il a un subalterne et un gars. Et quoi? Et puis, l'expansion, ben, c'est le gars. L'autre gars qui a le grand patron. Il faut couper les bois. Ah, ben c'est celle qui marquait ça, hein? C'est celle qui marquait. Oui, c'est celle qui balivait ça. Donc il balivait tout le long. Il en a une chale, il en a une là, et vous, oh, ça. Comment dire, en fait, c'est trop le même, ça, hein? Et qu'est-ce qu'il leur dit pour marquer? Ah, non, c'est elle-même. Elle-même? Oui. Et puis, l'on les inspecteurs qui a vous autres, deux filles qui en a un, ben notre père. Des inspecteurs d'Ifoué. Des inspecteurs de Zouifoué. Ah, c'est des inspecteurs d'État, celui-là. Oui. Ils ont leur bureau, elles roulent avec sa lise. Et ils me disent, bon, vous n'avez rien, ça c'est le brigadier qui fait tout. Le brigadier, il a un calepin, comme moi là qui vous en font, comme un crayon, et ils rotent, et les gars sont au devant. Vous allez le truc, ça dépend, tout qui noir qui va arriver comme ça va. Et il a le bruit, il marque le martel, là, qui est marqué E, O, et Foré, E, F, sur les deux martels. Donc ils rentrent en couche, tout qui noir évolué l'écorce. Donc, libre est marqué, où il faut. Et c'est ces bois-là qu'on abat. On lui abat. Et de 20 étaliers de Fikina qui passaient avant une griffe pour les îles des porteurs, hein, des balivaux, comme on dit. Des bois pour se mettre, oui. Mais on, parce qu'on ne le fait plus, on court tôt et on replante. Ça va plus vite, lui. Tu mets quelques tours les cubes. Ah, les cubes, donc, oui, c'est fait, c'est ton. Vous en faites barème. Ah, oui. Et vous mesurez les longueurs, la circonférence est moitié. Mais les forêts. Les forestiers, elles-là, ils cubaient, et elles mesuraient à 1,50 m, et ils évaluaient la hauteur des bouées. Ça fait voulu le barème, devant les bureaux, on livre tous les bouées dans le même, à peu près dans la même catégorie. On prend par exemple 10 à 20, c'est la même catégorie, et voilà qu'ils mesuraient pour. Là, c'est pas dans votre circonférence, et le prix de la circonférence à 1,50 m du sol. Alors, dans votre circonférence en 1,50 m, c'est marqué votre barème, non, barème des forestiers, et votre purée de la longueur, et votre purée à 5 défilements, ou 4 défilements, ou 3 défilements, et on veut les hauteurs, votre circonférence, et le défilement, vous appelez cube de bruit. Le défilement à ta cuisse. Ah, ben votre. Ah, oui. Et vous comptez 5 défilements, ou 6 ou deux ou trois, ça dépend. Ça dépend que vous voyez le bois comme il est, comme il se présente. Si ça se tombe là, c'est une défilnette et fouère, puis l'autre bois par exemple. On tient un peu. Mais vous avez décidé qui filait, qui défilait plus fouère. Ça dépend, c'est le gars, parce qu'il n'ose pas ce qu'on va apprendre dans cette affaire-là. Hein? Non? Et il coupe le bois quand il est au canage. Ah, mais ça, il faisait des éclaircies, qui sont plus jaunes, il faisait des éclaircies qui ont 30, 40. En circonférence, mais vous avez ceux qui sont plus petits, non, parce que vous avez où les petits qui viennent dans les queries là. Eh bien, on fait des éclaircies pour ziner de l'air, pour craindre, parce que quoi ils sont trop serrés, hein. Donc, il faut qu'on s'y donne de l'air et on fait des éclaircies à son main là, devant les plantations. Et la guille qui faisait devant les affinières pour faire tomber tous les bois mourir, pour qu'il bouille aille plus sorti et couper ceux qui mourent et bouille. Parce qu'ils ont des sapins qui sont mûrs, hein. Donc les gars aimaient bien qu'on les coupe parce qu'ils donnent la maladie à l'autre bois. Voilà pourquoi qu'ils aimaient bien qu'on coupe. Il y a des noms des maladies. Ah ben ils ont des choupions, comme on dit. Oui. Des choupions, comme on dit. C'est quoi ça? C'est une verme. C'est une vermine qui se met à. Ah, je trouve ça. En pelote de l'arbre, comme on dit. et s'en vint par les becs fiers qui viennent trouver là, plus pour vous, les vires qui sont pas dans l'écorce. Non? Et mais là, c'est à découvrir. Ça fait. Il est malade. Ouais, c'est ça. Après, quand ils ont coupé en l'eau, qui fait on fait une vague. Ah, ben, ils ont marqué, ils marquaient, et Tolzon, il faut balayer à partir des murs de maille, jusqu'à vers le mur d'août. Non? Et on vint 5000 octobre. Les bureaux, et bureaux, les employés, relevaient les comptes, puis on fait les affiches, et on affichait ici, on affichait là, et on voulait des choses en marchand de bois. Tous les marchands de bois, nous avons tous les marchands de bois, hein? Ouais. Et on dit, vous, des catalogues, à vous les bois qui vont vendre, et les neveux, on voit, et puis on fait le vente à l'enchère de la rue. Ça se fait que même, c'est des enchères ou... À l'enchère, oui. Ouais. Ben, à l'enchère ou ben, à la soumission, ça dépend. C'est quoi ça? Ah ben, ils remettaient le prix, son papier, et le mettaient dans une enveloppe, et elles vont porter. Mais sûr, mais pour l'État, du pain, ça se tue qui, on le fait plus cette affaire-là, du pain qui s'est fait ranger. Mm-hmm. Une alhue ici qui monte trop à ses dessins, et vous appuyez 100 millions, et ben, quand vous êtes arrivé à 1 million, vous plus aider. Et il y a eu 5 000, et ben, il va l'offrir 1 million, il n'a rien à vous, puisqu'il y en a. C'est vous qui l'a pris. Ça se voit aller dans 1 500 000. Oh, oui, et combien plus. Ouais. Et combien plus. Pour combien d'hectares Oh, mais ça dépend, hein. Ça dépend les bueno qui cuvaient, parce qu'ils ont débuté toutes les choses, hein. On a fait des coupes l'année passée, ça qu'il y en a eu d'abord pour 3 millions, hein. Ah oui. Il y a des feuilles qui l'ont son avant d'où. Ah, elle arrive combien, oui. Et alors, qui passe. Eh bien, on les repasse. L'année d'après. Ouais. Il arrive pas bien, mais c'est rare, hein, que son évain. Ou bien son évain, parce qu'ils sont trop petits, ou sont trop mal, mais tout. Non? Ou bien faire trop mal à y aller. C'est pas ça qu'on l'a. Et puis, mais allons, quoi. C'est pas avec un évain, j'en ai, hein. Et quand il y en a des bardures, qu'est-ce qui ramène les... Ah, ben, il trouve tout bien, hein. Ouais, tout bien, parce que, quand c'est que les bois sont plus gros, les entrepreneurs, les marchands de bois, enfin, ils ont des grosses machines, hein, c'est-à-dire, des grosses machines comme il y a au Canada, là, hein, qui vibraient tout pour les seins, et ils moussent là-devant le sapin, ils vont faire des torts formidables pour ces machines-là, c'est-à-dire, hein. Ils sont plus modernes que devant le temps, c'est plus... Il n'y a même des livres, non, mais à ce que... Et il faut encore, il n'y a pas de place qu'il faut les livres. Il faut encore les livres. Mais, il dit une erreur. Naturel. Enfin, Charles Avachal, il dit qu'il n'y a plus qu'Albert, et oncle de Vémarsin, qui se déplace à vous, une bétalière, ou deux yvards de vin. Une bétalière. Ah oui. Oui, une tirette pour mettre ces deux yvards de vin. À une jeep. Donc comme ça, il revient tous les vies à son à vous ces deux yvards l'homme. Comprends-tu? Il y en a vraiment des Flamands qui ont fait les lois. Après Charles, c'est des Flamands et des Hollandais. Pour le moment, c'est un Hollandais qui a acté. Pour les sapins et tout le putain qui est là, tout le monde. Vous comptez à vous cela? Un Hollande, hein. On fait tout le Hollande à vous cela. Puis, je sais que des choses, c'est encore des sapins triés, des sapins pour les houblons, hein. Le Hollande, on vous a dit, on pousse dans les houblons, hein. Et puis, à vous les plus petits, ils faisaient des piquets pour mettre à leur fleur, ça, hein. Mm. Ils sont pas grand fleur, les Hollandes, hein. C'est bien sûr, là. Et un expédié vraiment, Charles, hein. Mais tout à fait, le Hollande. Une sacrée qui, on a voulu distraire, non, fallait qui. Les bois qu'on vendait par la Belgique, il fallait qu'on exportait sur la chaleur en Belgique. Ils n'auraient pu trouver des amateurs, à gros son pour acter, hein. Non, ils ne traînent pas, ils n'auraient pas acté les bois. Fritir pour les exploiter sur la chaleur en Belgique, hein. Non, il avait mis des ravis pas élus, hein. Mais à mon, les marchands de bois de la Belgique, ça. Elle n'a rien profité, là, hein, parce que les autres n'ont pas l'impôt, ils ont des query. Mais ça n'en a pris, cette affaire-là. On en met tout, halte là-dedans, sous-là, comme des putains, il fallait qu'il y ait toute une coupe à cette affaire, devant les polices de Bardé, pour les hétiers de Bouifou. Mais sûr, mais l'entrepreneur, les marchands de Bouifou, qui a traité cette affaire-là, c'est pas qu'il rate, que toutes les coupes soient faites, pour 20 ans, oui. Hein? Et Pintin, puis ils vont s'alburz dans les Londres, ou le Mardi, ou on Verdi. Et ils travaillent mèche de 20, 50 ou 60 mètres cubes de bois. Là, ça fait 20, mais sinon, promet tout dans un 20 de 20 coins d'yeux, dans ce livret de 20 coins d'yeux. Et qu'il y a une polonaise à la barre qui est de 20 hommes. Ils sont refaits. Ça aurait fait le marquis, là, non? Mais à ce pur, ça, on peut. Quand on met des fêtes, il peut le débarrer, ça. C'est mis parce que. Toutes sortes d'affaires qui. Que c'est le gouvernement qui ferme, parce que là, ça, c'est le ministre des Eaux et Forêts. C'est le ministre de l'Agriculture et pas les Eaux et Forêts. Hein. Quand vous êtes garde forestier officiel, vous attaquez à quelle heure? À 8 heures? Oh, on a une douleur. Hein. Nous avons une douleur. Hein. Nous allons, c'est nous autres qui nous dit qu'on va en aller. Mm. Vous allez dans le nuit, ou bien vous allez faire un pas matin, ou bien vous allez après le dîner, ou bien vous allez sur le coup de dîner. Et vous allez inspecter. Ah. Ou ce qui vous a fait idée, qui vous a fait une sacrée dans le journée, qui il n'y a rien de normal, et bien vous y allez suite sur le coup de dîner, parce qu'on se dit au délégué, restez-vous dîner. C'est le moment où vous y allez. Mm. Ou bien en nuit, il doit. Nous avons vu où qu'il est qu'il lumière sa lumière question parce que vous devez dormir. C'est un mandat comme un long et qu'on est là. On est bien, hein. Et vous allez au CVI si on fait un des feux. Ben non, non, si on n'en a pas le feu, c'est pas le gibier, nous autres, hein. Ah. Non, pas de feu. On a des feux dans le nôtre, hein. Non, c'est pas aller pour les bricoles qu'on met ou bien on qui va à l'affût, qui va tirer on chose, son chèvre ou une affaire ou l'autre, hein. Ouais. Et on avait pas eu. Ben tout, là. Comme pas aimé. C'est régulier. C'est tout d'une même traite, mais. C'est minimum. À cette heure, ils sont pas augmentés, mais c'est minimum. On sert une. L'ici qui fait le garde des pièces, ou pour continuer, pour fixer tout là, il faut qu'il ait au moins une pièce ou deux semaines pour dire de s'occuper, pour qu'il y ait un petit poids des œufs. Avant de battre de l'espoir. Mais autrement, si on a qui se boue, on voit les primes qu'on y donne. En ce cas, c'est n'importe quoi, on a bien les primes. Mais ça peut mener à mettre un gibier, ça peut mener à un gibier. Non? Les dates qui l'ont, les primes qui l'ont, et tout cela, ça monte. Et les choses qui l'ont, ah, tiens, mais on ne peut pas faire. Il n'y a qu'une période. Non? Vous êtes récompensé. Et qui est là, comme on dit? Témoignage.